Trompait son monde, comme on dit familièrement. Joufflu, affable, presque toujours souriant, un bon compagnon à tout coup. Et pourtant cet homme, Eugenio Berrios, était un monstre et un assassin. L'artisan des basses œuvres du régime de Pinochet, celui qui fournissait drogue et poison aux tueurs des services spéciaux et qui, on l'a appris récemment, aurait même trempé dans le trafic de drogue organisé par le fils Pinochet, un trafic qui serait à l'origine de la fortune du dictateur déchu. Berrios en savait donc beaucoup, trop. Lorsque le Chili est redevenu un État démocratique, ses anciens employeurs l'ont soustrait à la justice. Et puis, un peu plus tard, alors qu'il menaçait de faire des révélations, ils l'ont vraisemblablement supprimé, car le squelette que des pêcheurs ont retrouvé sur une plage uruguayenne en 1995 était bien celui de Eugenio Berrios. Un assassinat qui vaut d'ailleurs aujourd'hui à Augusto Pinochet une nouvelle demande de levée de son immunité d'ancien parlementaire et chef d'État. Monsieur X a donc choisi cette semaine de s'intéresser à ce mystérieux personnage et à ses secrets. Une affaire qui ne nous est pas tout à fait étrangère à nous, Français. En effet, au détour de ce dossier touffu, on voit par exemple apparaître le nom d'Albert Spaggiari, l'homme du fabuleux Casse de Nice. Et il est vraisemblable qu'un journaliste chilien, réfugié en France, a été la victime des recherches criminelles de Berrios. Dans un instant, donc, le récit de Monsieur X qui éclaire quelques-unes des pages les plus noires de l'histoire récente du Chili. Un récit où l'on croise aussi des affaires déjà traitées par mon interlocuteur, la mystérieuse colonie nazie Dignidad, ou encore la mise en place du plan Condor en Amérique du Sud. Mi pecho se halla de luto por la muerte del amor. En los jardines cultiva la flores de la traición. Oro cobra el hortelano que va sembrando rencor. Por eso llorando estoy. Los pajarillos no cantan, no tienen les cortaron la rama donde solían cantar. Después cortarán el tronco y pondrán en su lugar una letrina y un bar. El niño espanto, ya no es aquel querubín. Ayer jugaba la ronda, hoy juega con un fusil. No hay ninguna diferencia entre niño y alguacil. Soldado y polvorín. ¿A dónde está la alegría del Cali canto de ayer? Se dice que un presidente lo recorría de a pie. No había ningún abismo entre el pueblo y su merced. El de hoy no sé quién es. Santiago del 800 para poderte mirar. Tendré que ver los apuntes del Archivo Nacional. Te derrumbaron el cuerpo y tu alma salió a rodar. Santiago penando está. France Inter, rendez-vous avec X. Les années Pinochet sont maintenant loin derrière nous, mais nombre d'affaires, assassinats, attentats n'ont jamais été élucidés. Et Pinochet n'a toujours pas été jugé, lui. Ça, je doute qu'il le souhaite un jour. À cause de son âge, oui. Et de sa prétendue démence sénile, oui. Enfin, ses avocats ne cessent d'essayer de gagner du temps. Et Augusto Pinochet mourra vraisemblablement dans son lit sans avoir jamais répondu de ses actes devant la justice. Il faut dire en même temps que ça arrange pas mal de monde, hein, car un véritable procès impliquerait trop de gens, en particulier dans l'armée, qui, malgré le retour de la démocratie, reste toute puissante au Chili, même si la menace d'un nouveau putsch ne semble plus crédible aujourd'hui. Mmh. Oui, vous pensez que l'armée ne sortira plus de ses casernes, hein? Il faut en tout cas l'espérer. Alors, venons-en à ce curieux personnage, Eugenio Berrios, un homme qui a été associé à pas mal d'opérations criminelles commises sous la dictature. Berrios est né dans la capitale chilienne en 1947. Mmh. Sa famille ? Des petits bourgeois catholiques, comme il se doit. C'est un petit garçon souffreteux, parce qu'il a attrapé le typhus dans son enfance. Une maladie qui lui a laissé des séquelles et l'a durablement tenu éloigné des collèges. Mmh. Donc un enfant ? Pas tout à fait comme les autres. Certainement. Hein. Et ça explique sans doute qu'il ait toujours voulu se distinguer de ses compagnons d'études. À l'université, par exemple, on ne le voit jamais en jean comme ses autres camarades. Il porte des complets impeccables, des vestons à boutons dorés et des chaussures toujours bien cirées. Il s'affuble même d'une cape semblable à celle de Dracula. Un original, quoi. Oui, ou un type complexé, comme vous voudrez. Alors, passons là-dessus, mais ses études. Intelligent, inventif, le jeune Berrios est surtout intéressé par les sciences. La chimie, essentiellement. Mais ce sont ses idées qui le font remarquer. Berrios affiche des convictions d'extrême droite, et même racistes. Il se déclare ouvertement antisémite et cite Mein Kampf à tout propos. Ouais, joli personnage, hein. Il peut aussi avoir des réactions imprévisibles, et même vindicatives. Un seul exemple. À la fin de la troisième année de ses études scientifiques, il échoue à un examen. Aussitôt, ce chimiste en herbe se met en demeure de faire sauter la faculté des sciences de Concepción. Et il réussit ? Non. Non, mais après cet incident, il change d'établissement et s'inscrit dans la capitale, Santiago. Il s'y sent d'ailleurs parfaitement à l'aise, car ses condisciples se situent majoritairement à droite. Mais lui, a-t-il des activités politiques ? Oui. Dès la victoire électorale de Salvador Allende en 1970, Berrios rejoint les rangs d'un groupe paramilitaire extrémiste, le Front National, Patrie et Liberté. Il fait donc partie de cette mouvance qui va lutter souterrainement contre le pouvoir socialiste. Et au moment du putsch de 1973, on va le retrouver dans la rue. Muni comme ses compagnons d'un sauf-conduit accordé par l'armée, le jeune Berrios fait le coup de feu et tire sur les manifestants de gauche. Et ça confirme son goût pour la violence. Hein. Incontestablement. La suite est un peu plus floue. Berrios termine ses études en 1974 et entreprend la rédaction d'une thèse sur la chimie industrielle. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'en même temps, le chimiste intègre la DINA. La DINA, la police secrète. C'est hein, ça, oui. Ouais. Mais en dehors de ses convictions politiques extrémistes, en quoi cette police secrète peut-elle être intéressée par ce jeune homme ? Sa qualité de chimiste, j'en suis certain. Ah oui, alors parce qu'on peut avoir besoin de lui pour quoi, fabriquer, concevoir de nouvelles armes ? C'est ce que je pense, oui, mais enfin n'allons pas trop vite. Ah ben, j'allais vous le dire. Alors, expliquez-moi comment s'est passé ce recrutement. Au sein de ce parti d'extrême droite, Patrie et Liberté, dont je vous ai donc parlé, Berrios a fait la connaissance d'un certain Michael Tovley, un américano-chilien qui a rejoint la DINA dès sa création après le putsch de Pinochet. Ouais. Américano-chilien. Alors, américain, ce Tovley-là, appartient-il a-t-il appartenu à la CIA qui, on le sait maintenant, a joué un grand rôle dans l'accession au pouvoir de Pinochet, hein? Écoutez, je vais être franc, je n'en sais rien. Ah. Mais ça ne m'étonnerait pas, je vous explique. L'un des principaux acteurs du renversement d'Allende a été le géant américain ITT. Oui, l'entreprise de télécommunications. Oui, qui jouissait d'un véritable monopole au Chili. Et c'est en partie grâce à ITT que la CIA a pu financer plus ou moins discrètement l'opposition, la presse anti-Allende et par conséquent la préparation du putsch. Or, Townley est un spécialiste en électronique. Mmh. Alors vous pensez qu'il aurait pu assez naturellement avoir des rapports avec ITT? Et donc indirectement avec la CIA. Mmh. Ouais. Mais vous n'avez pas de preuves. Non, non. Toutefois, j'observe que plus tard, remis à la justice états-unienne pour une série de crimes politiques, il bénéficiera d'un statut particulier très favorable. Enfin, on en reparlera. Enfin, quoi qu'il en soit, ce Townley prend Berlioz sous son aile et le fait entrer à la DINA. À cause, avez-vous dit, de ses talents de chimiste. En effet. Ouais. Et je vais vous répondre. Auparavant, une parenthèse assez éclairante. Connaissez-vous le boldo? Pas du tout, non. Eh bien, c'est un petit arbre spécifiquement chilien dont on peut extraire un alcaloïde, la boldine. Cette substance possède d'éminentes qualités médicinales. Elle permet en particulier de soigner quelques maladies hépatiques. Ça me dit quelque chose, maintenant, la boldoflorine, c'est ça? Mais la bonne tisane pour le foie. Oui, un célèbre slogan chanté autrefois à la radio. Mais le rapport avec Berlioz, là... Tu viens. Le Chilien a consacré sa thèse à la boldine. Il a même imaginé de la produire industriellement au Chili. Car en dehors de ses activités secrètes, Berlioz a toujours eu l'ambition de gagner beaucoup d'argent, honnêtement ou pas. Et c'est là où nous revenons à la boldine. Berlioz a mis en évidence que cet alcaloïde a aussi la propriété de masquer l'odeur de la cocaïne. Vous voyez où je veux en venir, hein? Ah oui, oui, naturellement. Et alors cette substance pouvait donc intéresser les producteurs et surtout les trafiquants de drogue d'Amérique du Sud. Et hein? Même les consommateurs tels Berlioz qui sera un peu plus tard un cocaïnomane assidu. Il a donc dû avoir des rapports avec les trafiquants. C'est certain. Il a lui-même participé au trafic, mais comme rien n'est clair chez ce bonhomme, il n'est pas exclu non plus qu'il ait été en même temps un informateur de la DEA. La DEA, c'est l'agence états-unienne anti-drogue. Mmh. Alors, bon, si je comprends bien, il a mangé à tous les râteliers. Essentiellement à cause de son addiction à la drogue et aussi à l'alcool. Il avait toujours besoin de plus d'argent. Mmh. Et sa solde de la DINA, alors, ne suffisait plus? En effet. Alors, revenons à son métier de chimiste au service de la police secrète de Pinochet. Vous savez bien, car nous en avons souvent parlé, que les services spéciaux cherchent toujours à se doter de nouveaux moyens de se débarrasser des personnes indésirables. Mmh. Oui, si possible, très discrètement. C'est-à-dire sans laisser de traces, oui. Le mieux étant de trouver des armes létales qui provoquent une mort apparemment non suspecte. Quoi, accident cardiaque ou vasculaire cérébral, par exemple? Oui, ou des empoisonnements dont la cause paraît naturelle. La contamination par un microbe, par exemple. Eugenio Berlioz a confié à l'épouse de son complice Townley qu'il n'y avait pas mieux qu'une goutte de staphylocoque doré. Ah oui, c'est un redoutable bacille qui provoque des infections parfois mortelles. Et qui résiste à nombre d'antibiotiques, oui. En tout cas, les substances utilisées, qu'elles soient chimiques ou biologiques, doivent pouvoir abuser les médecins légistes. Les chercheurs du KGB ont été en leur temps des maîtres en la matière, mais ils n'ont pas été les seuls. Mmh. Alors, pour revenir à Berlioz quand même, on lui a demandé de fabriquer ou de concevoir de tels poisons? Oui, et c'est ainsi qu'on lui a demandé de participer à un programme ultra-secret nom de code ANDREA, un acronyme qui signifie Alliance Nationaliste des Républiques Américaines. Et disons-le tout de suite, Andrea préfigure ce qui deviendra plus tard le plan Condor. Ouais, c'est-à-dire une alliance des dictatures militaires sud-américaines visant à traquer et même à liquider leurs opposants respectifs. Mais sans tenir compte des frontières. Et on y reviendra forcément. Dans le projet Andrea, il y avait un département consacré à la fabrication d'armes non conventionnelles. Ah oui, les fameuses ADM. C'est ça, oui, les armes de destruction massive, qui peuvent aussi devenir des armes de destruction individuelle. Tout dépend de l'utilisation qui en est faite. Et Berlioz va faire preuve dans ce domaine d'une diabolique ingéniosité. Thank you. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. On les a donc appelés ADM, les armes non conventionnelles, c'est-à-dire chimiques, biologiques et nucléaires. Ne retenons que les armes chimiques, dont l'hypérite, qui ont été largement utilisées pendant la Première Guerre mondiale. Derrière l'invention de ces terribles armes, qui vont faire l'objet des recherches de Eugenio Mirios au Chili, on trouve un savant allemand, Fritz Haber, un apprenti sorcier dont les sulfureux travaux effrayèrent tant son épouse qu'elle finit par se suicider. Malgré le terrible bilan de la guerre des gaz qui a tué des milliers de soldats et laissé infirmes des centaines d'autres milliers, Haber n'a jamais été inquiété et en 1918, il a même reçu le prix Nobel de chimie pour ses recherches sur les nitrates. Pendant l'entre-deux-guerres, Haber poursuit ses travaux et en 1920, il met au point une terrible invention, le zyklon B, ce gaz qui va être utilisé pour exterminer les juifs et les tziganes. Un dernier détail, Haber était lui-même juif. Mais prussien, tantôt physique qu'au moral, il avait renié son judaïsme pour mieux collaborer avec l'état-major allemand. Berlioz n'éprouve aucun scrupule à effectuer des travaux sur ces poisons, tels le sarin ou le tabac. Des produits chimiques qui ont la particularité de s'attaquer au système nerveux. Ouais, ce qu'on appelle des neurotoxiques. Ouais, qui, en bloquant le système nerveux, provoquent une asphyxie très rapide. Mais qu'est-ce qu'on lui demandait au juste ? L'armée chilienne voulait disposer de grandes quantités de gaz dans le cas où elle aurait à faire face à des conflits avec ses voisins. On a donc demandé à Berlioz de mettre au point les modalités de la fabrication industrielle de ces produits toxiques. Son mentor, Townley, étant chargé de lui fournir les ingrédients chimiques nécessaires. D'ailleurs, Berlioz a carrément installé son laboratoire dans la maison de l'Américain. Mais Berlioz n'en est pas resté là. Ce qu'il veut dire, là ? En étudiant les propriétés du sarin et en faisant des expériences, le chimiste a mis au point une formule perfectionnée du poison, si j'ose dire. Il a découvert qu'une administration d'une petite dose de son sarin améliorée pouvait provoquer une attaque cardiaque mortelle. Une crise cardiaque vraisemblable. Et qui pouvait sembler parfaitement naturelle aux yeux de n'importe quel médecin. Et attendez, vous avez parlé d'expérimentation, là, quoi, sur des cobayes? Des chiens, des lapins, oui. Mais pas seulement. Berlioz a aussi testé ses poisons sur des hommes, des prisonniers politiques. Et c'est là où l'on retrouve la sinistre colonia Dignidad. Je vous rappelle, cette étrange colonie a été créée au Chili par un ancien brancardier de la Wehrmacht. Paul Schaeffer. Hein. C'est ça. Une sorte de gourou aux convictions nazies bien établies qui a d'abord fait carrière en tant que pasteur. Faux pasteur. Mais vrai pédophile. Et ça lui a valu de devoir quitter son pays en toute hâte. Au début des années 60, Schaeffer s'installe donc au Chili, dans une région située au sud du pays. Et c'est là où il va fonder sa colonie. Hein. C'est ça, la colonia Dignidad. Ce qui est très étrange, c'est que ce fuyard au passé louche va obtenir des privilèges incroyables. Par exemple, un statut d'extraterritorialité pour l'énorme propriété agricole qu'il a achetée. 15 000 hectares au pied de la cordillère. Il lui a donc fallu beaucoup d'argent. Et de puissants soutiens politiques, oui. Et ça ne peut s'expliquer que par l'existence des réseaux nazis mis en place en Amérique du Sud après la Seconde Guerre mondiale. Mais je vais vite, car nous en avons déjà parlé. La colonia Dignidad, rapidement ceinturée de barbelés et miradors, devient donc un petit état dans l'état où Schaeffer règne en maître et impose une discipline de fer. Et il s'entoure d'autres anciens nazis. Oui, des criminels de guerre recherchés qui trouvent là un parfait refuge puisque nulle autorité ne peut y pénétrer. Et le gourou exploite sans vergogne les paysans chiliens qui travaillent pour lui. Et bien sûr, il s'intéresse beaucoup à leurs petits garçons sous prétexte de les éduquer. En outre, et c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, Schaeffer et ses amis nouent d'étroites relations avec des officiers chiliens. Des officiers qui ont été souvent formés à la prussienne. Hein. Oui, et qui ont souvent été de grands admirateurs de l'armée allemande. C'est donc presque naturellement que les membres de la colonia Dignidad ont été partie prenante de la préparation du putsch de Pinochet. Une collaboration qui va devenir encore plus étroite après 1973. La colonie échappe en effet à toute curiosité et l'on peut y agir dans le plus grand secret. Mmh. Et c'est pourquoi, tout de suite après le putsch, on lui envoie des prisonniers politiques. Qui vont être interrogés, torturés, parfois tout simplement abattus. Et lorsque Genio Berrios, le chimiste de la DINA, demande l'autorisation de se livrer à des expérimentations humaines, c'est tout naturellement que ses chefs lui conseillent de se rendre à la colonie Dignidad. Ouais. Et il va alors, c'est terrible, hein, effectivement tester ses poisons sur des prisonniers politiques. Absolument. Là-bas, il a toute latitude pour agir à sa guise. Et puis, pour les invités, la vie est douce à la colonia Dignidad. Pinochet, qui viendra à plusieurs reprises avec son épouse, louera ce paradis d'ordre et de propreté. Ouais, un paradis où l'on tue et torture quand même. Ah oui, enfin, en toute discrétion. Il est aussi probable que la colonia Dignidad a servi également de centre de production des poisons de Berrios, tant chimiques que biologiques, comme la redoutable toxine botulique. Quoi qu'il en soit. Le chimiste étant satisfait du résultat de ses premières expériences in vivo, les tueurs de la DINA pouvaient passer à l'action. Et l'une de leurs premières victimes a sans doute été un journaliste chilien réfugié à Paris. Qui ? Un nommé Eugenio Liramassi. En juin 1975, on l'a retrouvé mort dans son appartement parisien. Hémorragie cérébrale, d'après le médecin qui a procédé aux premières constatations. Et ça semblait si évident que la police n'a pas jugé bon de demander une autopsie. Et vous, alors, vous pensez qu'on l'a assassiné ? Je ne suis pas le seul. Ses amis, exilés comme lui, n'ont jamais voulu croire que cet homme en bonne santé ait soudain succombé à une hémorragie cérébrale. Et un peu plus tard, une organisation internationale basée aux États-Unis, l'Institut pour la paix, a clairement exprimé ses doutes et émis l'hypothèse que le journaliste avait été victime d'un gaz spécial utilisé par les services secrets chiliens. Une conviction conforté par la présence à Paris à la même époque d'un homme de la DINA. Mmh. Oui, troublant, mais aucune preuve n'a été apportée. Hein. Non, car seule une autopsie pratiquée immédiatement aurait pu accréditer cette thèse. Et d'après ce que vous savez, alors, d'autres assassinats ont été perpétrés avec les mêmes méthodes ? Plusieurs, oui. En 1976, un notaire ou avocat, enfin je ne sais plus, est lui aussi retrouvé mort à son domicile, apparemment victime d'une crise cardiaque. Mais curieusement, ce juriste avait eu récemment le tort de s'opposer à un important projet immobilier de la police secrète. Ouais, par conséquent, il gênait. Comme gênait aussi le caporal Manuel Letton, également mort d'une crise cardiaque alors qu'il n'avait que 20 ans. Ou encore le diplomate espagnol Carmelo Soria. Mais si vous le permettez, je voudrais faire un petit retour en arrière. Et ceci afin de vous prouver que Pinochet avait décidé, dès son installation au palais de la Moneda, de liquider physiquement ses opposants réfugiés à l'étranger, et par tous les moyens. Oui. Donc pas forcément avec les neurotoxiques mis au point par Berrios. En effet, et ça commence en 1974 en Argentine. Le prédécesseur de Pinochet, au commandement en chef de l'armée de terre, le général Carlos Prat, y a trouvé refuge. Mmh. Oui, parce que cet officier, je me souviens maintenant, cet officier supérieur n'a pas approuvé le putsch. Hein. Prat, c'était un général républicain. Un authentique républicain. Tout à fait. Oui. Parce qu'il faut quand même rappeler que Allende, pour son malheur, croyait que Pinochet aussi était un vrai républicain. Hein. Et c'est pourquoi il l'avait nommé à un poste aussi prestigieux. En tout cas, Prat, lui, n'a pas hésité très longtemps. Il n'a guère tardé à quitter son pays. Alors, il s'installe en Argentine. À Buenos Aires, d'où il compte partir pour l'Espagne. Assez vite, il reçoit des menaces de mort par téléphone. Que lui dit-on là ? On l'enjoint, s'il ne veut pas être tué, de faire une déclaration publique où il affirmerait ne pas être hostile à Pinochet. Mmh. Et réaction alors du général Prat ? Il refuse, bien évidemment, et il ne s'est pas exilé en vain. Mmh. Mais à partir de là, prend-il des précautions particulières ? Il se méfie, certain, et il est armé, mais ça ne suffit pas. Un soir de septembre 1974, après être allé au cinéma avec son épouse, il rentre chez lui. Mais à peine son auto est-elle rentrée dans son garage qu'elle explose. Prat et son épouse sont tués sur le coup, bien sûr. La police ne retrouvera jamais le ou les assassins. Mais on sait aujourd'hui que c'est Tunley qui a appuyé sur le bouton de la télécommande du détonateur. Tunley, le mentor de Berrios. Hein. Tunley, le spécialiste en électronique, qui est donc devenu l'un des principaux hommes de main de la DINA. Tunley qui va bientôt récidiver, et toujours à l'étranger. Et c'est à cette occasion qu'on va croiser un certain Albert Spaggiari. Thank you. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Quelques mots sur Michael Tonley, le mentor de Berlioz, comme a dit Monsieur X. Dans leur livre « Pinochet, un dictateur modèle », Marc Fernandez et Jean-Claude Rampal donnent les précisions suivantes. Avant le coup d'État, il participe à une action subversive contre le gouvernement de l'unité populaire dont il est un farouche adversaire. Anticommuniste convaincu, il est du commando qui, en mai 1973, fait sauter les installations d'une chaîne de télévision dans la ville de Concepción, provoquant la mort d'une personne. L'enquête ouverte pour tenter d'élucider cette affaire le pousse à quitter le Chili pour retourner à Miami. Michael Tonley revient dans son pays d'adoption quelque temps après le coup d'État et reprend contact avec l'extrême droite. C'est à partir de ce moment-là que le citoyen Tonley va se transformer peu à peu en agent de la DINA, affecté surtout aux opérations extérieures et soutenir activement Pinochet. À la fin de l'année 1973, par l'intermédiaire de Patria y Libertad, Michael Tonley rencontre le numéro 2 des services de renseignement chiliens, Pedro Espinoza Bravo, bras droit de Manuel Contreras, le chef de la DINA. Très rapidement, intéressé par ses connaissances en électronique, il le fait entrer à la DINA. En août 1974, il lui confie une première mission délicate, l'assassinat de Carlos Prats. Cet ouvrage a été publié par Hachette Littérature. Alors, cette récidive et l'implication de Spaggiari, expliquez-moi. Bien, au début de 1975, Tonley reçoit l'ordre de se rendre en Europe. Quelle est sa mission ? Il doit repérer un certain nombre d'opposants chiliens en exil et surveiller leurs activités. Mais il est aussi chargé de prendre des contacts avec des activistes européens d'extrême droite. Des gens qui pourraient éventuellement rendre des services, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. C'est-à-dire, pratiquement, participer à des liquidations d'opposants chiliens. En effet. Mais attendez, 1975, c'est ce que vous avez dit. C'est aussi l'année où ce journaliste chilien exilé a été retrouvé mort dans son appartement parisien. Et ce n'est pas seulement une coïncidence, croyez-moi. Tonley, d'une façon ou d'une autre, a été mêlé à cette affaire. On retrouve ensuite sa trace à Nice. Ah, Nice, la ville de Spaggiari. Spaggiari n'a pas encore commis son fameux casse par les égouts, non. Cet ancien de l'OAS, qui a déjà tenté de la prison, n'est encore qu'un modeste photographe qui milite toujours à l'extrême droite. Fait de temps à autre le coup de poing contre les communistes et fréquente beaucoup des néo-fascistes italiens. Ouais, qui sont alors très actifs. En Italie, les années de plomb ont commencé. Et les néo-fascistes ont déjà perpétré des attentats dévastateurs, oui. Et c'est sans doute la proximité de Spaggiari avec ces terroristes noirs qui attirent Tonley. C'est à Nice, en effet, que le Chilien prend contact avec un certain Alfredo, Stefano Della Chiaia, de son vrai nom, chef d'un groupuscule italien d'extrême droite. Le contact est très prometteur, si prometteur même que Tonley lui délègue la préparation d'un attentat contre Bernardo Leighton, ancien ministre chilien de l'Intérieur. Oui, passation de contrat, quoi. Mais pourquoi ? Mais parce que Leighton, important dirigeant démocrate chrétien et opposant acharné de la dictature, a choisi de s'exiler à Rome. Donc ce soi-disant Alfredo est mieux à même d'exécuter cette mission. Oui. Ce qu'il va faire ? Tout à fait. Leighton et son épouse sont criblés de balles devant leur domicile. Leighton, touché à la tête, survivra, mais sa femme demeurera à jamais paralysée. En somme, c'est à la création d'une véritable internationale terroriste noire qu'on assiste. Et un peu plus tard, à l'occasion des funérailles de Franco, en 1976, Pinochet ne craindra pas de rencontrer personnellement le pseudo-Alfredo. Pourquoi ? Pour le remercier ? Pourquoi pas ? Quant à Spaggiari, après son spectaculaire cambriolage, son arrestation et son évasion, sa cavale le mènera au Chili, où il fréquentera assidûment un certain nombre d'agents de la DINA. Mais, si vous le voulez bien, revenons à Tonley et à son complice Berrios. Un an après l'attentat qui a frappé le couple Leighton, Tonley reçoit ordre d'effectuer une nouvelle mission à l'étranger, aux États-Unis. Et c'est encore un éminent opposant qui est visé. Orlando Letellier a été ambassadeur du Chili à Washington et ministre de la Défense de Salvador Allende. Comme beaucoup d'autres, il a été arrêté au premier jour du putsch et interné sur une île, dans des conditions particulièrement rigoureuses. Mais heureusement pour lui, grâce à la mobilisation de quelques dirigeants européens, il a fini par être libéré et a pu gagner Washington, où il a trouvé un poste à l'Institut des sciences politiques. Mais a-t-il pourtant renoncé à ses propres activités politiques ? Pas le moins du monde. Le Tellier a au contraire profité de son influence et de sa notoriété aux États-Unis pour faire campagne contre la dictature de Pinochet, ce que ce dernier a évidemment très mal supporté. Alors, le Tellier est devenu une cible pour les tueurs du dictateur Chir. Forcément. Et Tonley a sollicité son ami Berrios. Ah oui, quoi ? Pourquoi ? Les poisons ? Oui. Oui, un gaz empoisonné semblable à celui qui a été certainement utilisé à Paris contre ce journaliste chilien. Et Tonley est effectivement parti à Washington avec un flacon de Chanel numéro 5 contenant en réalité un gaz mortel. Ouais. D'accord, mais à Washington, comment Tonley comptait-il opérer ? Parce que il fallait quand même pouvoir approcher le Tellier. Effectivement. Et le tueur a d'abord pensé à utiliser les charmes d'une jeune et jolie femme. Ah oui, qui aurait séduit l'ancien ministre chilien. Ouais, mais enfin, à la réflexion, l'opération lui a paru à la fois compliquée et risquée. Aussi Tonley a-t-il envisagé une méthode moins subtile mais plus efficace, la voiture piégée. Mais une voiture sous laquelle on a placé une bombe. Ouais. Une bombe activée grâce à un système de télécommande. Ouais, c'est vrai que c'était la spécialité de Tonley. Hein. Ouais, enfin, notez-le bien, en choisissant cette solution, il prend un risque stupide. Quoi ? Celui de compromettre ses employeurs. Car qui, sinon le clan putschiste de Santiago, a intérêt à liquider le Tellier ? Oui, c'est d'ailleurs donc comme si le crime était signé. Mais auparavant, il y a eu l'assassinat de Prats et l'attentat contre Layton. Alors, dans ces deux cas aussi, on ne pouvait avoir aucun doute sur la culpabilité de la junte chilienne. Hein. Certes, mais ces deux précédents crimes n'avaient pas été perpétrés aux États-Unis. Ah oui, alors ça change tout ça. Oui, d'abord parce que les Américains n'aiment guère qu'on vienne régler ses affaires à coups de bombe sur leur territoire, surtout lorsque les assassins semblent venir d'un camp qu'on a aidé à accéder au pouvoir. Ouais, ça fait désordre. Et c'est même carrément malpoli. Et puis il y a plus grave. Dans la voiture de Le Tellier se trouvait sa secrétaire, une citoyenne états-unienne qui a été mortellement blessée. Du coup, il paraît très difficile d'étouffer l'affaire et de passer l'éponge, car la justice américaine est bien décidée, coûte que coûte, à élucider l'affaire. D'autant que le président Jimmy Carter, qui n'apprécie guère les dictateurs sud-américains, vient d'entrer à la Maison-Blanche. Conséquence ? Washington, qui ne veut surtout pas apparaître comme un soutien inconditionnel du régime de Pinochet. Alors même que les États-Unis ont été ses meilleurs alliés, sous Nixon et Kissinger. Mais je vous l'ai dit, les temps ont changé. Donc, à la Maison-Blanche, on fait tout pour se démarquer et on met la pression sur la junte chilienne. Les assassins de Le Tellier, car Tonley n'a évidemment pas agi tout seul, doivent être impérativement extradés et livrés à la justice américaine. Oui, mais Pinochet peut-il lâcher ces hommes qui pourraient faire des révélations très gênantes ? Ben, il va finir par obtempérer. Il ne peut en effet rompre avec les États-Unis qui possèdent des intérêts économiques immenses au Chili. Ouais, ils sont donc en mesure de faire du chantage. Par conséquent, Tonley est extradé et remis aux autorités américaines en 1978. Mais est-ce qu'il parle ? Oui, surtout parce qu'il va bénéficier d'un statut juridique privilégié. Ça alors, c'est effectivement très embarrassant hein, pour la jeune chilienne. Hein. Mais dit Tonley, si j'ai agi ainsi, c'est parce que je pensais sincèrement lutter contre le communisme. Et comme c'était encore la guerre froide, l'argument a porté. Enfin, passons. Et voyons surtout les conséquences de cette extradition au Chili. Le chef de la DINA qui a d'ailleurs opportunément changé de nom, le général Contreras, est mis à la retraite d'office. Quant à Berrios, il se trouve soudain dans une situation très difficile. Ah oui, parce qu'il a perdu son protecteur. Et aussi son laboratoire, puisqu'il travaillait dans la villa de Tonley. C'est sans doute à ce moment qu'il est devenu définitivement toxicomane. Toutefois, après une période de flottement, Berrios est récupéré par le complexe chimique de l'armée chilienne. Mmh. Où il va pouvoir poursuivre ses activités criminelles ? Naturellement. Il collabore aussi avec l'Institut de santé publique et s'intéresse aux recherches bactériologiques. Mais dès cette époque, Berrios fait l'objet d'une surveillance permanente de l'armée. Pourquoi on a peur qu'il soit trop bavard ? C'est certain. Et puis il y a le désordre de sa vie privée. Son goût pour la cocaïne et l'alcool est bien connu. Il s'est même mis en tête de fabriquer lui-même de la drogue. Pour sa consommation ? Ah ouais, mais aussi pour en faire le commerce, pour camoufler ses activités. Il utilise comme façade une boulangerie que possède l'une de ses tantes. Il essaie aussi de produire industriellement cette fameuse boldine. Toutefois, si Berrios a incontestablement des talents de chimiste, il n'est pas doué pour les affaires. Et ses petits commerces clandestins ou pas finissent par péricliter. Berrios connaît alors une situation financière de plus en plus précaire et multiplie les chèques en bois. C'est donc oui, une instabilité qui peut être inquiétante pour ces... Oui, qui explique pourquoi les militaires ne le quittent pas des yeux. Mais, attendez, rend-il encore des services, là, ces militaires? Je le crois, car le plan Condor a été mis en place. Une véritable chasse à l'homme transfrontière. On traque, on torture, on tue, et les poisons mis au point par Berlioz vont se révéler bien utiles. On peut, par exemple, s'interroger sur la mort à l'hôpital de l'ancien président démocrate chrétien, Eduardo Frei, un homme qui, après avoir mollement condamné le putsch de Pinochet, prenait de plus en plus ses distances. Alors vous pensez qu'il aurait pu être assassiné? C'est très probable. Mais c'est une longue histoire, et si vous en êtes d'accord, nous en reparlerons dans un prochain entretien. Rendez-vous et pris un mot auparavant, le journaliste états-unien John Dinge, qui a couvert la plupart des sales guerres latino-américaines, a consacré un livre au plan Condor. J'en extrais ce passage. En quelques années, la mort, de cause naturelle ou moins naturelle, d'un nombre étonnant d'opposants de premier plan, civils et militaires, aux dictateurs, amène en tout cas à se poser des questions et à estimer que des enquêtes sérieuses s'imposent sur leur cas. Ainsi, s'agissant du Brésil, deux anciens présidents et un éternel présidentiable, qui tous trois représentaient des alternatives crédibles au gouvernement militaire, ont perdu la vie en 1976, en décembre. Jean Goulart, réfugié en Argentine, succombait chez lui à une crise cardiaque à 58 ans. Quelques mois plus tôt, Juscelino Kubitschek avait trouvé la mort dans un accident de voiture et le candidat Carlos Lacerda est mort subitement la même année. À Paris, l'assassinat du colonel uruguayen Ramón Trabal en décembre 1974 et celui du général bolivien Joaquín Centeno en mai 1976, deux officiers dissidents très en vue dans leur pays, n'ont jamais été élucidés malgré les revendications de vagues groupuscules de gauche, bien des doutes subsistent. Quant à l'ancien président chilien Eduardo Frei, respecté de tous, il est mort à Santiago en janvier 1982 à 71 ans, officiellement d'une infection nosocomiale après une opération de routine en 1982, version qui a été depuis remise en cause. Mais M. X a promis d'évoquer plus longuement ce dernier cas, car il y a de fortes chances que Berrios ne soit pas étranger à cette affaire. L'ouvrage de Dinge, « Les années Condor », a été publié aux éditions de La Découverte. À samedi prochain, je vous rappelle notre site franceinter.com qui vous permettra d'obtenir des renseignements discographiques ou bibliographiques. Et je remercie, comme à l'habitude, Michel Biou, Rebecca de Nantes, François Cardena et Monsieur Djoub.